Le 27 mai, le journal Rodong Shinmun a donné le commentaire titré que vise la fabrication des chasseurs du Japon. Il a écrit « Le Japon a procédé il y a quelque temps au vol d'essai d'un nouveau chasseur de sa fabrication. Cet appareil furtif de type nouveau est appelé aussi chasseur de la cinquième génération. Les réactionnaires japonais prétendent le développement d'un chasseur de la génération suivante après avoir testé la capacité stealth et de vol sur la base des données de vol d'essai. Le vol d'essai a révélé une fois de plus l'ambition japonaise pour la montée en puissance militaire. Pire, c'est que le Japon s'engage dans la modernisation des armements de façon indépendante. Cela dit que le Japon cherche à se débarrasser de la dépendance et de la contrainte des États-Unis et à accroître sa propre capacité de guerre d'agression. À présent, le Japon a fait tous les préparatifs juridiques et institutionnels pour l'agression d'outre-mer et ses forces militaires sont au niveau assez suffisant pour une guerre d'agression. L'humanité qui a souffert de l'agression de l'impérialisme japonais est très vigilante face à la montée japonaise en puissance militaire et donne l'alarme.